Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Damien Le Cooper. Salut. Salut Damien. Franchement, j'ai une petite galère à te raconter. Tu sais, moi j'ai commencé à Londres, l'humour, tu vois. Ouais. Première scène, ça se passe bien, c'était en français, ça se passe bien. Je dis, je veux rejouer, tu vois. Une semaine plus tard, il y a un mec qui me fait confiance en haut d'un bar en Angleterre pour jouer en anglais. Ah. Je joue en anglais, ça se passe bien. Franchement, j'ai de la chance, ça se passe bien et tout. Incroyable le truc. Du coup, le gars, il me fait, bah reviens la semaine prochaine, t'es chaud. Et tu sais ce qui se passe? Tu sais, quand tu commences, tu prends la confiance de ouf, tu vois, tu révises plus, tu révises pas ton texte, tu te dis, franchement, je suis le prochain Gad Elmaleh, et je suis chaud, je suis trop. Je monte sur scène, je prends le four de ma vie. Mais genre, même encore aujourd'hui, j'ai pas encore pris un four pareil. C'était terrible. C'était genre, en gros, en Angleterre, tous les comedy clubs, c'est à l'étage des bars. Ouais. Et genre, clairement, dans les yeux des gens, ils te disent, au moment où je monte sur scène, c'est. Frère, je suis assis là parce qu'il n'y avait plus de place en bas, ok? D'accord. Genre vraiment, je ne suis pas venu t'écouter. Vraiment, les fauteuils avaient l'air confortables. J'en suis à ma quatrième bière, mon ami, fais ce que tu as à faire. Fais ton taf. Je plante tout, pendant 4 minutes, un tunnel, zéro rire, rien du tout. Et je suis à. Franchement, là, tu sais, t'as ton toit intérieur qui ressort, t'as plus de texte. Ouais. Je commence à faire une voix un peu éclatée, genre mais c'est ce qu'on fait, c'est pas trop. Et là, je te jure, à ce moment-là, genre, au moment de panique, tu sors ton vrai toi. Et là, je commence à avoir des petits rires, tu vois, genre dans la salle. Je fais waouh. Et là, je te jure, il y a une meuf déchirée au deuxième rang qui se lève et qui me hurle dessus en anglais. Elle me hurle dessus, elle me fait voilà, là t'es marrant, là t'es marrant. Et moi dans la tête, c'est l'entraîneur de Rocky, tu sais. un truc de ouf. Là, j'étais là en mode ah oui, donc c'est ça l'humour, les copains. Ok, ben je vais peut-être essayer de revenir la semaine prochaine alors. Et genre, en fait, au final, le mec il me fait signe de me dire de m'arrêter. J'avais limite envie de lui dire merci. Genre, c'est la première fois que tu te dis non, laisse-moi un peu plus de temps. D'habitude, non genre on veut plus, ouais, tu veux toujours plus de temps. Là, j'étais là en mode Merci beaucoup de m'arrêter. Et le gars, il m'a fait, franchement, tu t'en es bien sorti, reviens la semaine prochaine. J'étais là en mode, ok. Et en fait, depuis ce temps-là, c'est elle qui m'a. La petite moralité de l'histoire, c'est que c'est elle qui m'a décongelé, tu vois, je sais pas comment dire. C'est genre en mode. Elle m'a débloqué un truc. C'était en mode, voilà, c'est en étant toi-même que t'es drôle, tu vois. Et c'est ça, la petite moralité de l'histoire. C'est un four quand même intéressant, mais une belle galère. C'est sûr. Ah ouais. J'imagine que quand le mec t'a dit de revenir la semaine prochaine, tu te dis, attends, d'abord, est-ce que t'as des pansements? Je peux te dire. Je saigne. J'ai fait le retour de chez moi, je connais la languette de mes baskets par cœur, tout, les coutures et tout. J'ai tellement regardé mes pieds en rentrant, j'ai rentré à pied sous la pluie londonienne, j'étais là en mode franchement, mes chaussures elles sont fraîches hein, quand même, hein, parce que là c'était quand même dur. Tu sais, tu te mets en boule dans ton lit. Est-ce qu'il pleuvait? Ah, il pleuvait, tu sais, comme dans les films. C'est ça. Moi, je voulais ça, tu vois, genre une ambiance vraiment de tristesse et de pré-suicide, tu sais. Tu marches à une musique triste, tu sais pas pourquoi. C'était une première vraie galère. D'accord. Ah ouais. Mais il nous en faut des galères comme ça. Hein. De ouf. Mais de quand ouf. Même, tu vois, c'est la première fois, j'en ai entendu beaucoup des fours dans Galère d'humoriste. Et c'est la première fois vraiment qu'on me dit qu'un four, en fait, s'est transformé finalement en une leçon. T'sais. Ouais, c'est ça. Une leçon genre sur place, parce qu'un four est toujours une leçon. C'est ça. Mais sur place, genre que quelqu'un te dit c'est là que t'es bon et tout machin. Moi, je pensais que quand t'as dit qu'elle s'est élevée et qu'elle allait te parler, je pensais plus qu'elle allait te dire genre c'est pourri ou je sais pas quoi. Ah ouais. Et en fait, non, c'était très positif au final. En fait, ça sortait du cœur. Genre, elle était là en mode, je pense, même si elle était probablement bien ivre, Elle avait mal pour moi. Elle avait mal pour moi, elle se disait, il faut que je l'aide. Ah, et elle m'a aidé presque de la meilleure des manières, tu vois. Genre, moi, là, t'es marrant. Moi, je suis là en mode, il y a peut-être des manières un peu plus courtoises d'annoncer les trucs, non? J'en pouvais plus, je te jure. Genre, je tremblais, le micro tremblait alors qu'il était sur pied. Hein. Genre, je ne l'entendais pas. J'étais là, waouh, ok. Non, mais c'est ça. C'est dans cette galère-là qu'on se met. Et c'est toi, ça qui est bon. Que si un jour tu réussis, elle dira, c'est grâce à moi, je lui ai dit quand tu étais marrant. Ça, la meuf, elle sera toujours avec sa bière à la main. Elle fera genre, c'est grâce à moi. Il faudra que tu mettes son nom sur l'affiche. Tu vois, ah ouais, je te jure. Alors, tu vois, et pas en connaissant. Tu vois, c'est des petits jeunes, tu les lances comme ça. Damien, genre Damien le Cooper découvrait son one man show et tout, mise en scène Kathleen la meuf bourrée. C'est ça. Ça peut être pas mal, hein, ça peut être pas mal. Il y a un concept. Il y a un petit concept. Franchement, non mais de toute façon, le jour où j'écrirai vraiment le spectacle en entier, ouais, je ferai une partie sur l'Angleterre. Je suis obligé, obligé, tu vois. Obligé. T'as vécu combien, 5 ans là-bas? 5 ans là-bas. Et ah, oui. C'est les premières fois que j'ai découvert le stand-up, la scène et tout là-bas, vraiment, tu vois. Uh-huh. Parce qu'en Angleterre, il y a quand même un délire de ils t'offrent ta chance. Ouais. Ils offrent la chance. Beaucoup plus facilement. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de scènes ouvertes à Paris qui te laissent des chances. Mm-hmm. Même ailleurs, même à Bordeaux. Bah, maintenant, il y a plus, ouais, il y a beaucoup plus de salles, ouais. Tout ça, ouais, c'est plus mais facile de jouer. Il y a, je vais dire, il y a un an, à Londres, t'étais personne, t'avais jamais fait de scène de ta vie, on te laissait ta chance. D'accord. Et tu vois des fours, mais des fours. Tu vas dans des comédie clubs et tu te dis, ah, oh, c'est bien, ce soir, tout le monde a bidé. Mm-hmm. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui a fait un truc. Mais c'est ouf. Il faut dire ce qu'il y a quand tu es humoriste et que tu bides et que tu vois que tous les collègues ont bidé aussi. Il y a une espèce de solidarité du bide. De, c'est ça. Tu sais, on se sent tous, genre, t'as vu, ils sont durs. Hein. C'est, ouais, ils sont durs, c'est, ce soir. C'est pas nous qui sommes durs, c'est eux qui sont durs. C'est t'as une remise en question, mais tu t'aides. Tu t'aides. Je crois que ça a inspiré Tony. Ah putain, vas-y Tony, t'as un petit truc à rajouter là. C'est que juste avant de l'interview là, on parlait de jeudi, comment ça s'était passé. Oui. Et je les ai trouvés durs. On a tous bidé. Ouais, c'est ça. C'est le si mot. Tout le monde a bidé, ça va. Non, c'est non. Vrai qu'il y a une espèce de mood genre général dans une soirée. Si tout le monde bide, on peut se dire que c'est peut-être genre il fait trop chaud dans la salle, trop froid. Ah ouais. Les gens sont venus un peu en mode allez, vas-y, fais-moi rire, tu vois. Si tout le monde bide, en fait, il y a une espèce de consensus pour dire que c'était la soirée qui était pas bonne, tu vois. Ouais. Mais quand t'en as un seul qui bide et qui dit aux gens, ouais, t'as vu, c'était nul, bah non, c'est toi qui es nul. Il y a que toi qui as bidé ce soir. Tous les autres, ça s'est très très bien passé, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, mais il y a des moments comme ça, c'est incroyable. Tu peux pas comprendre tout ce qui se passe. J'ai une deuxième petite anecdote, ouais, de petite galère. Et petite galère un peu particulière parce que je l'ai pas vécu moi intérieurement. Uh-huh. Tu vois, c'est genre. Bah ça commence à marcher l'humour à Londres et tout, et je me dis je rentre en France, je vais jouer en France, tu vois. Et je sais pas, voilà, il y a PV officiel qui, ouais, fait beaucoup de stand-up à Paname. D'accord. Et il me dit, bah viens Damien, viens, j'ai un plateau ce soir à Pigalle, viens je t'emmène et on va, tu vas voir comment c'est un petit peu les plateaux à Paris et tout. Et là je te jure, on est, bah je te donne pas lieu, mais c'est juste on descend dans une cave, mmh, classique, tu vois. Ouais. La cave c'est un couloir, ouais, il y a 8-10 places assises, peut-être, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et les deux premiers rangs, c'est 4 personnes assises, ils parlent pas français. Oh, c'est des étrangers qui sont là en mode c'est touristique, tu vois, c'est sympa, il se passe un truc, tu vois. Ils savaient pas qu'il y avait du stand-up. Ils savaient pas qu'il y avait du stand-up et ils se disaient, bah, c'est pas, tu vois, il y a un spectacle. Et du coup, quand tu viens faire des vannes, 10 minutes de vannes, moi je suis pas programmé, tu vois, à ce moment-là. Mm-hmm. Je suis pas programmé, je viens voir mon pote jouer. Et le premier, il passe. Bon, forcément, il se rend compte que personne comprend ses blagues parce que c'est pas la bonne langue. C'est genre une énorme galère et à chaque fois qu'il essaye de tenter une vanne, t'as le bruit du sèche-main de l'étage qui fait un bruit de ouf. Genre, mec, là, je sais pas si vous avez remarqué. Et c'est ça, bon, c'est une galère sans nom, tu vois. Genre, y a rien. Dans la salle, ils ont dû se dire, il a dû dire un truc et d'autre, ils ont bipé le mot. Genre, je te jure, genre, tu sais, tu te dis, y a rien qui va. Genre, y a rien qui va. T'entends un bruit d'aspirateur qui démarre. Dès que le mec qui tente une vanne, y a un verre qui tombe. Genre, je me dis, c'est une grosse blague. En fait, la blague de la soirée, c'est la soirée. C'est ça. Je suis là en mode, ok. Et là, y a mon pote PV, il fait, tu sais quoi, Damien, il manque quelqu'un. La personne, elle est pas arrivée sur la line-up. Je passe après. Et si la personne n'est pas arrivée, je te lance, je t'appelle. J'avais pas encore fait de scène à Paris, tu vois. Donc c'était ton baptême de scène parisien. En gros, j'avais fait quelques scènes avant, mais je marchais pas encore trop. Ouais, j'avais pas encore fait la différence entre public anglais, français et tout ça. Et du coup, je marchais pas trop, j'étais pas en confiance. Ils voulaient me montrer comment c'était, tu vois. Ouais, bah en même temps, commencer par le sèche-main comédie. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Et sauf que le moi... Le Dyson comédie. Je te jure, genre, au moment où il me dit ça, au moment où il me fait, hey, Damien, j'espère que t'as un 10 minutes de prêt. Moi, ça fait 3 soirs d'affilée que je bide sur du 3 minutes. Ouais, tu vois, ouais. Je le regarde droit dans les yeux, je l'attrape, tu vois, et je fais, la vie de ma mère, tu me lances là. Mais genre, je viens pas, je cours, je pars en courant et tout. Et là, je vois, il commence à faire tout son passage, galère d'humoriste, alors que j'ai pas joué, tu vois. Et parce que moi, je suis en mode, je le regarde bider, lui, il s'en sortait encore, il fait des mimes et tout. Du coup, les gens qui parlent pas anglais, ils sont là en mode, D'accord, visuel, c'était visuel ce qu'il faisait. J'ai fait, ah ouais, ok. Et moi, pendant ce temps-là, je le regarde, mais je regarde l'escalier. Je suis là en mode, j'espère elle arrive, la meuf. J'espère celle qui doit passer, elle arrive et tout. Et à un moment, j'entends des bruits dans les escaliers. C'est elle qui arrive, tu vois. J'ai eu le stress de l'humoriste qui est parti d'un coup. Tu vois, j'ai vu arriver, j'ai fait... Oh, elle a dû se dire, oh, elle est venue me voir, moi. Non, je suis désolé, je me rappelle pas qui t'es, je sais plus qui t'es. Et là, c'était la galère d'humoriste où j'ai même pas joué, tu vois. Juste, j'ai vu une galère d'humoriste et vu à quoi ça ressemblait une galère d'humoriste. Un stress total, quoi. Un truc de ouf. Et j'adore cette anecdote, tu vois, c'est un truc de ouf. Le Sèche-Main Comedy Club, j'ai le gardé, ce truc. Franchement, c'est un délire. Genre, hey, les gars, je sais pas ce que vous avez remarqué. Mais c'est quoi ce truc? Au premier rang, ils parlent pas français et tout. Oh là là, incroyable. Ah, mais là, t'as joué en 4-4, tout terrain, machin. Ah ouais, mais là, quand tu vois ça, après, tu te dis, ah ouais, en fait, on peut jouer partout. Bah, bien sûr. Et bien ouais, sûr et c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça qui est ouf. Et c'est ça le but, c'est clair. Moi, tu vois, l'histoire du Sèche-Main Comedy Club, ça me rappelle un truc. Moi, j'ai joué aux Toilettes Comedy Club. Tu sais, j'ai joué, en fait, j'étais à Nevers. Dans ma tournée l'année dernière, je faisais une date à Nevers dans un bar et la scène, elle était juste à côté des toilettes. Jusque-là, à la limite, on s'en fout parce que les gens doivent avoir le respect de ne pas y aller pendant le spectacle, tu vois. Sauf que je commence à jouer et là, il y a des gens qui se lèvent et tout, qui vont aux toilettes. Bon, le premier, c'était drôle, tu sais. Ouais. Mais au bout du neuvième, c'est un peu plus... tu sais, tu perds patience à un moment. Moi, je commençais à faire des vannes au début. Les gens, tu sais, tu les voyais rentrer, sortir et tout. Et c'était devenu un jeu pour le public. C'était en mode, allez, qui va y aller la prochaine fois, tu vois, y aller. Et moi, je commence à faire, bon, allez, numéro suivant, 84. Tu vois, je commençais à faire des blagues comme ça. Et après, il y a un moment où j'ai vraiment, tu sais, j'ai baissé les bras. J'ai regardé, il y a une meuf qui m'a regardé de loin et tout, machin, et qui commençait à venir en mode ninja, tu sais, parce qu'elle voulait pas que je la vanne et elle voulait aller aux toilettes. Tu vois, donc elle passe comme ça, discret. Elle rentre comme ça et elle me regarde avec un petit regard de, tu sais, genre de chien battu, tu sais, genre ne me vanne pas, s'il te plaît. Et elle rentre dans les toilettes. Je dis, mais sérieux, vous pouvez pas vous retenir? Mon spectacle, il reste quoi? Il doit rester 30 minutes là. Sérieux, vous pouvez pas vous retenir? Et toutes les deux secondes, t'avais des gens qui allaient aux toilettes. J'en avais rien à faire, tu vois. J'ai dit, c'est bon, je continue, je termine le truc. Et je l'ai terminé. Et tu vois, depuis ce jour-là, quand quelqu'un me dit, ouais, la scène, elle est à côté des toilettes. Non. Tu vois, direct, je dis non, direct, parce que non, vraiment, c'était une horreur. Parce que j'en veux pas aux gens de vouloir aller aux toilettes. Mais c'était galère. Surtout que, attends, le plus important, je jouais sans micro. Eh oui, si tu joues sans micro, j'ai demandé au mec qui a un micro, non. Ok, d'accord. Ben du coup, à chaque fois, le moindre bruit, la chasse d'eau, le moindre bruit couvrait ma voix, tu vois. En plus, il y avait des gens qui buvaient et qui parlaient au fond. Donc vraiment, j'avais un public. Pourtant, les gens étaient là. Il y avait quoi? Il y avait bien 40 ou 50 personnes qui étaient là, tu vois. Mais tout le reste voulait juste manger et parler. Et du coup, il faisait du bruit comme pas possible. Et non seulement je suis sorti de là-bas dégoûté, mais en plus je me suis défoncé la voix. Le lendemain, j'avais la voix éteinte, tu sais. Ouais. Et je devais jouer à Auxerre le lendemain. Mais heureusement, les toilettes étaient plus loin. Ouais, tu vois, ça va. Ah, mais direct. Tu veux savoir s'il y a du monde? Non, je veux savoir où sont les chiottes. Voilà, tu vois. Non, vraiment, c'était une galère. Donc, le Sèche-Main Comedy Club, j'ai connu aussi. T'inquiète pas. Il y a quelque chose. Bon, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Bah, moi, c'est Dame Le Cooper, D-A-M du bas Le Cooper, sur tous les réseaux sociaux, Instagram. Comment il a dit, Tony? Sur tous les trucs en vogue, il a dit. Et TikTok aussi. Bien évidemment, TikTok aussi, il y a du monde là-dessus. Grave. Et ben voilà, merci. Ben écoute, avec merci grand plaisir, merci à toi. Pour ma part, vous me retrouvez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je suis également sur TikTok, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.